Let's go! Are you ready? C'est parti pour un nouveau Rail Suprême comme chaque dimanche soir. Après la semaine dernière, on recevait l'artiste qui a sorti son projet d'ailleurs la semaine dernière aussi. On a pu découvrir et faire le coup d'envoi dans Rail Suprême. Ça va bien, Case? Très très bien. En pleine forme? En super forme. Bon, est-ce que tu es prêt à nous ambiancer pendant une bonne heure? Là, je vais pas. J'ai pas le choix. Bah, j'espère bien que t'as pas le choix. On va mettre le feu ce soir. Donc, le feu, qu'est-ce qu'il y a au programme? Des nouveautés? Au programme, des nouveautés. On va même écouter quelques inédits du projet Parents en New York. Enfin sortira. Oui, bah oui. Enfin. Eh oui. Ça y est, oui. J'ai vu que tu étais encore en studio il n'y a pas très longtemps. Oui, on enchaîne, c'est tous les jours les studios. Et on a même. Là, on a ramené beaucoup de. Justement, par rapport à Rail Suprême et par rapport à ce qui est la demande, beaucoup de chanteurs de rail. Vraiment. Ça va être quelque chose de phénoménal. Et bon, on va pouvoir découvrir ça aussi pendant une heure sur Skyrock. C'est parti, coup d'envoi de ce Rail Suprême avec DJ Case au platine. C'est Rail Suprême. Skyrock. Validé ou ça va? Hey man, just on record. Mademoiselle, DJ Case te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. que j'écoute pas, ils peuvent toujours me clasher. Putain, c'est oh, ça donne des coups en cachette. Ton meilleur ami peut se trouver derrière la gâchette. J'trouve l'esprit, j'fume un peu de hashish. Fais gaffe petit, avec des sous ça t'achète. T'as fait gâcher par des bâtiments. Trop de sentiments, le regard vite ça t'achète. J'suis pas eux, sachez-le. Moi j'ai galéré, MBDH, tapez-le. La loi emmerdée là, lui il se montre, regardez-le. Envie d'y mettre des tartes là. J'suis au bled, j'observe la lune de mon matelas. T'inquiète pas, j'irai. Trahis-moi et je taillerai. Nous deux à vie, c'est terminé. J'te vois t'es triste mais tu parles pas. J'vois tes larmes, me regarde pas. On se fait du mal mais on le sent pas. T'es pas comme moi donc on s'entend pas. Suprême en direct sur Skyrock. انا غني انا نطير كي الحمامة يجي يوم سلهو بلدي قمرة شعالة انا فرح وانا غني انا نطير كي الحمامة بلدي بلادي نقولها والنادي ما عنديش من غيرها انا راس ولادي ما ننسى بلادي السهر ربي هو نغمد انا بلادي بلادي نقولها والنادي ما عنديش من غيرها انا راس ولادي ما ننسى بلادي السهر ربي هو نغمد انا خليك لي يا بلادي

Rail Suprême. Salut la famille, c'est DJ Case. On se retrouve tous les dimanches soirs, minuit 1h avec Fred pour 1 heure de mix de folie. Soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Méfie-toi, DJ Kaïs m'a raconté. Nan nan nan nan nan, reste toi-même pour me fasciner. Nan nan nan nan nan, j'avoue dans le fond, j'aime trop taquiner. Hey yeah, hey yeah, hey yeah, yo, what's this? Rail Suprême. Skyrock. C'est DJ Kaze, c'est Rail Suprême le dimanche soir entre minuit et 1h. Rendez-vous avec DJ Kaze au platine et rendez-vous aussi près de chez vous. Parce que près tu n'arrêtes vous. Pas de tourner, et puis là oui. Le printemps qui est arrivé. Ouais, ouais, tous les week-ends et là avec le printemps. Donc l'été, là, c'est l'éclosion, c'est la renaissance. Je ne peux pas prendre de vacances. Impossible. Bon, tu seras où cette semaine? Voilà, alors vendredi 10, je serai au Bellagio, c'est à Cannes. Dommage que ça tombe pas pendant le festival, mais bon, on y retournera. Et samedi 11, c'est au Wild Club, c'est à Annemasse, près de Genève. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour les deux dates de la semaine. Ça, c'est pour les deux dates de la semaine et on enchaînera par la suite. Et sur les réseaux sociaux, donc comme je l'ai dit, Snapchat, n'hésitez pas, DJ Kaze Paris, la page fan Facebook DJ Kaze et Twitter et Instagram DJ Kaze Paris, DJ DJKAYZ. Et là, on est reparti pour une nouvelle session. Mm-hmm. Allez, c'est parti, coup d'envoi DJ Kaze au platine. La journée sur Skyrock. Let's go. Retrouve tous tes rendez-vous préférés. De 6h à 9h. C'est le replay de D-Fool. Avec les meilleurs moments du morning. 100% déconne garantie. De 9h à 20h. Prends un son d'avance avec les meilleures nouveautés. Avec l'album de Sam Smith, ton casque Powerbeat 2 et des bons d'achat de 50€ à gagner. À 20h. Planète Rap reçoit Cynique. Et à 21h. What the fuck? D-Fool revient en direct pour la plus grande radio libre de France. Skyrock. Du son, du cash et toujours plus de déconnes en direct. Si t'avais un super pouvoir, tu choisirais quoi? Je suis trop timide pour dire je t'aime. Ma prof de maths pue de la gueule. J'ai embrassé le mec de ma meilleure amie. Écoute ton cœur, pas ta raison. Dis ce qui te passe par la tête. Tout ce qui te passe par la tête. En toute liberté. Yax, YAX. Télécharge sur ton mobile. Vite. Il a gagné 4 Grammy Awards. And the Grammy goes to. Meilleure chanson de l'année. Meilleur album. Meilleur nouvel artiste. Enregistrement de l'année. Sam Smith. Thank you. Et en plus, tu l'as découvert sur Skyrock. Sam Smith on Skyrock. Et écoute Skyrock à tout moment. Et gagne l'album 4 étoiles de Sam Smith. Plus ton casque Power Beats 2 pour l'écouter. Skyrock te rajoute aussi des bons d'achat de 50€. Et comme toujours, récupère du cash avec l'appli Skyrock Cashback en allant acheter ton album de Sam Smith. Skyrock. Premier sur Sam Smith. Let's go! Dimanche soir, minuit, 1h, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Are you ready? Let's go! Are you ready? Allez. Fais pas ta Beyoncé, j'ai pas le compte à Carter. Tu vas finir pensé, je ne dure pas qu'un quart d'heure. J'aime quand tu danses ta Zumba, genre t'es de Sao Paulo. Mais mon pote Yarumba, pense que t'es une Joroto. Le ramadan est fini, tu peux refaire ta folle. Enchaîner les garetti et les bouteilles d'alcool. Je te paye un jean Philippe plein, mais ma chérie faut le remplir. Si t'as le corps d'un Philippin, pas un euro, je vais sortir. Au pire, il me reste mes mains et des photos de Rihanna. Quelques rouleaux de sopalin et je suis à Punta Cana. Ok, on y va. Chez ta copine, non, c'est pas par là. Ton business, ton, il est pas halal. Ouais, ouais, ouais. Vagabonde, vagabonde. Extension, elle est blonde. Vagabonde, vagabonde. Hamidou, mais dis-moi, t'allais où? Quand t'as mis ta petite jupe à minuit, deux, trois whisky, t'as sapé tes ennuis. Tu rêvais de citer mes amis. Ta vie, c'est restaurant, chicha, boîte de nuit. Marrakech, Marbella, Miami. Cette année, rendez-vous au Brésil. Tout tes faux, des talons aux sourcils. Au réveil, dis-moi qui est cette fille. Vers sous vert, Belvédère. Ton seul but est de ruiner les frères. Luc Bélair, billet vert. T'auras rien, me regarde pas de travers. Noctilien, mal au pied. Escalier HLM dégradé. C'est l'heure d'aller se coucher. Allez, biche, va te démaquiller. Quand t'avais vu tout tes tralala. Chez ta copine, non, c'est pas par là. Ton business, ton, il est pas halal. Ouais, ouais, ouais. Vagabonde, vagabonde. Extension, elle est blonde. Vagabonde, vagabonde. C'est Rail Suprême. Skyrock. Ouais, pourtant, je suis ta femme frais et jusqu'à là. J'ai ton temps, Rolex au poignet. Mon quart d'Europe. Comme ça fait rien que tu peux toujours parler. Y'a trop de langue, de langue, de langue. Depuis qui j'attends longue, de longue. J'ai en Shaoui, en Kabyle, ce sème. Ça fait même en Turc, Anana, ce gum. Les jaloux, on le sème, on s'en bat les clairs. Nous, on a la classe. Rouma, c'est des clairs. Retiens ta mine, j'en dirais qu'elle a faim. Nous, on respecte, t'es pas tombé sur des chiens. Direct à mon rang, tu veux mon numéro. Hitadi, tu connais pas l'Algérino. L'Algérino, fond de Gabito. Un million d'euros, tous mes classicos. Une armée de bigo dans le barrio. On veut peser plus lourd que les généraux. Trop de langue, de langue, de langue. Depuis qui j'acte de longue, de longue. J'suis avec Bibi Melly,

t'attire la foule. Ne fais pas trop la folle. T'es vraiment déréglé. Je dois te paramétrer. Tu veux me rendre jaloux. Ne fais pas trop la folle. शेर शाह हो रही है आपका हास है आपका जाब अब नहीं परिचय तो रही वो शेर शाह हो रही है आपका हास है आपका जाब अब नहीं tu réponds pas tu fais trop la resta c'est vrai que t'attires la foule mais fais pas trop la folle t'es vraiment déréglé je dois te paramétrer tu veux me rendre jaloux mais fais pas trop la folle. Supreme Skyrock. les drapeaux et les fusils. Ce soir c'est la guerre, on est tellement fiers qu'on envahit le stade même quand on perd. Sur la tête de ton père. Se mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. Sur Skyrock. انا نعشق انا ندلك

maman. Encore moi. Mon Kaizune. Tu connais les bails, hein. Je connais. Tu vas la secouer. Vraiment, vraiment. Tu vas la secouer. Fou le bordel, fou le bordel. DJ Kaiza, dis fou le bordel. Fou le bordel, fou le bordel. Comment les attendre, DJ Kaiza, fou le bordel. C'est fini pour Rail Suprême déjà, DJ Kaze. Quelle tristesse. Comme le temps passe vite. Oui. J'ai l'impression qu'on était là. Le temps passe très très ça vite. Ça passe trop vite. Mais on a passé une heure de folie et je suis très content. Et voilà, bah moi aussi, et on pareil. A pu voir les messages, ça a défilé et tout le monde nous, voilà, tout le monde est content. Et on peut te retrouver pour continuer justement sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter et Snapchat, DJ Kaze Paris. DJ et Kaze sur Facebook, Paris. DJ Kaze, voilà. Et cette semaine, alors vendredi 10, je serai au Bellagio, c'est à Cannes. Et samedi 11, à Annemasse, au 8 Club. Voilà, voilà. Et bon. Puis. Et là, Paris ou en semaine, New York. Voilà, bon bah voilà, on a pu écouter quelques petits extraits. C'est pour quand la sortie? La sortie, ça sera pour mai-juin. Mai-juin. On n'a pas encore une date, voilà, mais ça sera avant l'été. Bon, avant l'été pour bien s'en bien. L'année dernière, on n'a pas pu sortir avant. Là, cette année, par contre, on sortira avant. Sure. Et ça va déchirer. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas pendant une bonne heure. Merci à vous tous d'avoir suivi le Rail Suprême. À la semaine prochaine. Et prochain encart, en effet, dans une semaine. Passez une bonne nuit, bonne soirée, ciao. Skyrock.